Le conte de fées par Henri Barbusse. C'est-il vrai qu'il y en a qui dorment pendant 20 ans et qui se réveillent tout d'un coup avec de la barbe blanche? Demanda Eugène, interrompant sa lecture et tendant vers ses parents sa figure d'enfant précoce et ignare, au front microscopique. Non, gronda Paul. Les enfants sont bêtes, soupira maternellement Caroline, en se dépêchant de coudre. L'héritier plongea vite son profil en lame de canif vers les fourmillantes pages du livre bondé de fées et de magiciens, et tandis que son crâne aigu et velu se balançait, captivé, le père se remit à lire un nouveau coin de son journal, et la mère à ourler le dernier côté du torchon neuf qui exhala une odeur de toile fraîche. 5 minutes après, le père, ayant absorbé dans son gros œil myope la dernière ligne des fées divers, plia le journal, le posa, bâilla, et voulant parler en bâillant, hennit. « Nous aussi, nous étions bêtes à cet âge. »« Il y a un beau jour de ça, » dit Caroline, dont la voix était inexpressive, mais qui couvait avec conviction. La cinquantaine salissait de gris ses cheveux et l'ensevelissait pâlement dans la graisse. On devinait de quelle façon la vieillesse l'estropirait toute. Pourtant, sur sa figure ballonnée flottait un vague sourire chronique. Son mari, il ressemblait comme un père, eut dans son masque circulaire une série de bâillements noirs. Puis, calmé et larmoyant, il écouta son fils qui, tout en lisant, ronflait, la bouche en cornet, par suite des fameuses végétations qu'on ferait opérer l'année prochaine. L'enfant était prostré dans une attention agaçante. De plus, il faisait un bruit insupportable en tournant les pages de temps à autre. « Va te coucher !» dit tout à coup le père. « Il est plus que l'heure. Allons, oust !» L'enfant, arraché du livre, leva un œil craintif et haineux vers l'auteur de ses jours, renifla, puis se dressa, à regret, non sans marmonner entre ses dents une interjection grossière que lui seul entendit, mais dont il pourrait se vanter le lendemain à l'école. La jambe traînante, il alla souhaiter le bonsoir à ses parents. Il portait une figure mince, exsangue et comme légumineuse, et un regard si humble qu'il en louchait. À l'intérieur de son grand tablier, de sa veste flottante, de sa culotte pendante, on devinait un frêle organisme mal raffermi par l'huile de foie de morue. Seul avec sa femme, Paul parla d'une nouvelle ligne de tramway. Elle s'intéressa, s'instruisit, puis répondit, donnant-donnant, par l'abondant récit des démêlés de sa femme de ménage avec une tante agressive venue du Poitou. Après quoi, elle entreprit d'exposer, de justifier l'emploi de sa journée. L'homme considérait sa femme d'un air attentif et hébété en bâillant. « À propos, » dit-elle sans raison, « j'ai trouvé ça, » en regardant dans la pendule, entre le pied et le machin. « C'est vieux. » Elle fouilla dans sa bourse et plaça sur la table des papiers liés. Il se pencha vers les menus débris. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est des lettres, » fit Caroline. « Et puis après, quelles lettres ?»« Des lettres que nous nous sommes écrites, toi et moi, avant notre mariage. »« Pas possible. » Étonné, amusé, il avança le doigt, toucha les bouts de papier, et sa figure charnue s'approcha tout près, flairante. « Ah ah ! Et qu'est-ce qu'elles ont ? Des rubans ?»« Mais oui, il y en a une de moi avec une faveur rose et une de toi avec une faveur bleue. Tu sais bien qu'on leur mettait des faveurs. »« Matin, c'est ma foi vrai. Je l'avais plutôt oublié, ce coup des rubans. »« Moi aussi, tu penses bien, » dit Caroline. « Mais en les voyant, je me suis rappelé. » »« Et qu'est-ce qu'on disait dans ces lettres-là ? » interrogea l'époux, dont les doigts boulus se promenèrent sur la table et s'emparèrent des légères ruines de papier. « Est-ce que je sais ? » répondit-elle. Il déplia une des lettres, assez gauchement, comme s'il maniait quelque insecte fragile, et cherchait à lui faire ouvrir les ailes toutes grandes. Il en tomba quelques flocons. Un de ses yeux s'écarquilla. « Qu'est-ce que c'est que ça encore ? » Il lâcha un gros rire. « Des feuilles de rose, ma parole ! Elles datent il y a 26 ans. Il n'y a pas à dire. Je t'envoyais des feuilles de rose, rien que ça. » Il replaça les miettes de pétales dans l'enveloppe, aussi desséchée qu'elle. La femme était devenue silencieuse, sage. Orientée par hasard, ce soir, vers le passé, elle paraissait vouloir se souvenir. Et comme la lettre était là, à ne rien faire, à se taire dans sa main, il l'approcha de ses yeux, lut tout bas la date, et puis, à mi-voix, les premiers mots. « Mon amour adoré. » L'homme annonnait son épître d'antan, comme un écolier l'obscur alphabet. Il ne reconnaissait rien de tout cela. Il roulait ses yeux ronds dans ses paupières ventrues en entendant toutes ces choses nouvelles. En bas de la page, il s'arrêta pour reprendre haleine, s'apprêta à parler, ne sut pas et toussa. « Après ? » réclama-t-elle. Il se remit à épeler, à rapprendre sa lettre. Elle s'était poussée tout près. Le carré de toile qu'elle animait tout à l'heure glissa de ses genoux. Elle ne le ramassa pas. Et ses mains et sa bouche entr'ouvertes, ses sourcils aussi froncés que possible sur son pâle front mou, elle écoutait. Elle travaillait à écouter. La lettre prononça soudain deux noms. « Lolo et Liline. »« Lolo et Liline. » s'esclaffa-t-il. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Mais c'est nous, » répondit Caroline. « Nous, en voilà des noms. C'était nous, » reprit-elle simplement. Il poursuivit sa lecture. Mais il s'interrompit net au milieu d'une phrase pleine d'allusions tout à fait obscures. « On ne comprend pas. » Elle ajouta, avec cette profondeur qu'invente parfois le cœur des femmes, « C'est pire, on ne comprend plus. » Il jeta sur la table la lettre qui était incapable de ressusciter. Alors elle ne put s'empêcher de tendre la main vers sa lettre à elle, et avec une application mystérieuse, de lire à son tour tout haut. Cette lettre se révéla mélancolique. La tendre fiancée qu'elle fut un jour, au loin, entreprenait des sujets graves et adjurait son amie de l'aimer étroitement, à cause de la séparation suprême qui viendrait tôt ou tard. À ces mots, le gros homme s'agita brusquement sur sa morne chaise, grogna. « Quoi ? Mourir, nous, moi ?» Il fit signe que non, éperdument, comme un naufragé qui appelle. « C'est pas vrai !» Une indéfinie terreur semblait le réveiller enfin. Elle était un peu plus déchirée que lui. Alors ils se dévisagèrent et, pour la première fois depuis tant d'années, ils se retrouvèrent vraiment face à face. Ils se reconnurent confusément, comme ils étaient autrefois, comme ils étaient au fond. Un monde de pensées informes et indécibles remuait en eux. « On change, on s'oublie. L'habitude, » balbutia une des voix. « L'habitude. On ne se douterait pas qu'elle peut devenir si grande et si effrayante. » La femme palpita, illuminée d'une soudaine idée. « Hein ? Ce que disait le petit avec son histoire de magicien. Il y en a qui dorment pendant 20 ans, hein ?» Mais lui se récria, déjà à demi dégrisé du rêve dramatique. « C'est pas la même chose. »« Si, si, on dort. On dort à côté l'un de l'autre. » Elle baissa la voix. « On dort comme ça, la nuit d'abord, puis ensuite le jour. » Après cette parole, elle hocha la tête et encore changée pour quelques moments, encore blessée et plaintive, elle ajouta. « Oh, si on pouvait se réveiller !» Il s'était levé, calmé, retombé à la paix éternelle. Il rangeait les chaises. Mais il marmotta pourtant. « Ce serait trop beau, trop beau !» Elle prit la lampe pour le suivre dans la chambre, déjà docile comme avant, et même ensommeillée. Mais encore un peu éblouie, des choses qui sont impossibles parce qu'elles seraient trop belles. C'était Le Conte de Fées par Henri Barbusse.